Coucou Axel. Là. Tu parles là? Non. Allô. Mets pas debout là. Dis quelque chose. Allô, pétard. Allô, bada, bada, bada. Et tu parles, vas-y, parle, dis ton nom. Je m'appelle Manon. Bada, bada, bada, bada. Merci beaucoup pour ce super, pour toutes ces bonnes idées. Et puis, on a appris plein de choses. On a appris à recycler des vieux objets pour faire des sons extraordinaires. Merci encore et puis bisous. Je m'appelle Juliette et je suis là pour la fête des petites oreilles. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai bien aimé. Festival des petites oreilles. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis bête. Yo, c'est Nico, merci Teptronic, c'était génial. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Encore? Allô? Allô? Merci, c'était trop bien. C'était trop bien, Juliette. C'est vraiment très très joli ici. C'est bizarre là-dedans. Adoré Taptronic. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je voudrais un petit... sachet de bonbons à 10 euros. Au revoir. Salut. C'est trop nul. C'est moche. Non, c'est moche. C'était bien. Merci beaucoup, c'était génial. Églou, églou, églou, églou. Allô, 1, 2, 1, 2. Je suis au pote. Comment ça va? Comment pas? T'es nul, t'es moche, t'es cool. C'était trop bien, on a appris une nouvelle technologie et merci. Yes, it was a very nice. I met some new people. It was a very, very good. I used to learn some things and some new technologies, and which is very nice for children and kids. I really enjoyed this this event. Thank you very much indeed. Bye bye. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Je me suis super bien amusée. Super bien amusée que j'ai envie de... Que j'ai envie de y aller. Je vous aime. Appuyez sur le... C'était génial, vous avez écrit. Ouais, c'était trop génial. J'ai bien aimé qu'on ait fait la carte. La pomme, c'était super rigolo, les bruits de musique avec la pomme. C'était trop bien avec la pomme qui fait de la maison sur les bras. En fait, hein? Comment génial! Merci. Merci. Merci beaucoup. Estamos pasando una tarde muy bien. Muchas gracias. Besitos. La la la. j'ai pensé que c'était très bien et que j'ai beaucoup aimé le truc avec les cassettes et la paille aussi. Et les ballons, ça fait un bruit un peu bizarre, mais sinon c'est bien, on peut inventer plein d'inventions. Merci pour les bruitages, c'était très bien. Et continuer comme ça, c'est impressionnant. Bravo Taptronic, c'était un moment formidable à retrouver les cassettes de notre jeunesse. Et les scratchs étaient impeccables avec le Hans Spinner. Merci de nous avoir fait des flûtes. Merci beaucoup pour ces activités. C'était super. Caca. Bonjour. Rebecca. Bonjour, moi, et j'ai bien aimé. Valentin est un gros teubé. Salut, je m'appelle Zacharia et j'habite à Franconville. Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain. Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Comme si c'était ta dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux. Et tu peux dormir où tu veux. Rêver une fille, prendre la Bastille, ou claquer ton frère au jeu. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, chante, fête, c'est la fête, comme un amour, un ami ou un lien. Pour oublier qu'il pleut sur tes vacances. Chante, oui, chante. Et tu verras que c'est bon de laisser tomber sa raison. Sors par les fenêtres, marcher sur la tête ou changer tes traditions. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, vie chante, chante, chante, la la la la la la, comme si tu devais sortir par les fenêtres, marcher sur la tête. Chante, oui, chante. C'est Léane Olivon. Et sa maman, Carole Boucher. Merci pour tout, pour cette animation. J'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment.